Maximilien Heller, par Henri Covin, 1871. Chapitre 1er, un étrange malade. Ce fut le 3 janvier 1845, à 8 heures du soir, que je fis la connaissance de M. Maximilien Heller. Quelques jours auparavant, j'avais été abordé dans la rue par un de mes amis, Jules H., qui, les premiers compliments échangés, m'avait dit avec une insistance toute particulière « Voici déjà quelque temps que je voulais aller chez vous, mon cher docteur, pour vous prier de me rendre un grand service. Un de mes anciens confrères du barreau, M. Heller, qui demeure ici près, et dans l'état de santé le plus alarmant. Nous avions d'abord cru, ses amis et moi, que son mal était plus moral que physique. Nous avons essayé tous les moyens de distraction possibles. Nous avons tâché de donner quelques aliments à son intelligence, que nous avons connue autrefois si belle et si lumineuse. Je dois convenir que tous nos efforts ont échoué. Il ne nous reste plus qu'à implorer le secours de la science. Ce que notre amitié n'a pu faire, votre autorité de docteur le fera peut-être. Maximilien a une nature énergique, et il ne cédera guère, je crois, qu'à une raison supérieure. Allez donc chez lui un de ces soirs, mon cher ami, et voyez ce que vous pouvez pour ce pauvre garçon. Je vous serai tout particulièrement reconnaissant du bien que vous lui ferez. » La semaine suivante, pour condescendre au désir que m'avait exprimé mon ami, et bien que cette visite me répugnât un peu, car j'avais entendu parler de M. Maximilien Heller comme d'un excentrique désagréable et fort maussade, je me rendis chez mon nouveau malade. Il demeurait dans une des rues tortueuses de la butte Saint-Roch. La maison qu'il habitait était très étroite. Elle n'avait que 2 fenêtres de façade. Mais en revanche, sa hauteur était exagérée. Elle se composait de 5 étages et de 2 mansardes superposées. Au rez-de-chaussée était une boutique de fruitiers peinte en vert, qui s'ouvrait sur la rue. Une porte basse, treillagée en sa partie supérieure, donnait accès dans l'intérieur de la maison. Après avoir traversé un long couloir sombre, dont le parquet cédait sous le pas, on arrivait brusquement à 2 marches vermoulues, qu'on apercevait à peine dans l'obscurité et contre lesquelles on trébuchait inévitablement. Le bruit de cette chute avertissait le portier qu'un visiteur se présentait dans son immeuble. C'était un moyen fort ingénieux, assurément, d'économiser les frais d'une sonnette. J'étais encore tout saisi de l'émotion désagréable qui suit un faux pas imprévu fait dans l'obscurité, lorsque j'entendis une voix aigre, comme celle d'une sorcière, sortir d'une sorte de niche pratiquée sous l'escalier. « Que voulez-vous? Chez qui allez-vous ? » me cria l'invisible Cerbère. « Monsieur Maximilien Heller est-il chez lui ? » répondis-je en tournant la tête du côté d'où la voix était partie. « Au 6e, la porte à droite. » répondit laconiquement ce portier fantastique. Je me mis en devoir de commencer l'ascension. Soit par ignorance, soit pour simplifier sa besogne, l'architecte n'avait pas donné aux escaliers la forme tournante qu'ils ont d'ordinaire. Il se composait d'une série d'échelles droites, aboutissant à des paliers étroits sur lesquels s'ouvraient les portes noircies des chambres. J'arrivai enfin au 6e étage. Une lueur que j'aperçus au fond d'un étroit corridor me servit de guide. Cette lueur était celle d'une petite lampe fumeuse suspendue à un clou près de la première porte à droite. « Ce doit être là, pensai-je. Je frappai doucement. « Entrez !» me répondit une voix faible. Je poussai la porte, qui n'était fermée qu'avec un loquet, et j'entrai dans la chambre de M. Maximilien Heller. Cette chambre présentait un singulier spectacle. Les murs étaient dénudés et couverts, seulement par place, de lambeaux d'un papier vulgaire. À gauche, un rideau de Perse, d'un rose fané, pendait à une tringle et cachait sans doute un lit placé dans le renfoncement du mur. Un feu de motte brûlait dans la petite cheminée. Sur une table située à peu près au milieu de cette modeste cellule, des papiers et des livres étaient amoncelés dans le plus beau désordre. Maximilien Heller était étendu dans un grand fauteuil, près de la cheminée. Sa tête était renversée en arrière, ses pieds reposaient sur les chenets. Une longue houppelande enveloppait son corps, maigre comme un squelette. Devant lui, dans les cendres, chantait une petite bouillotte de fer blanc qui dialoguait avec un grillon caché dans l'âtre. Maximilien buvait énormément de café. Un gros chat, les griffes rentrées sous sa poitrine fourrée, les yeux demi-clos faisaient entendre son ronron monotone. Lorsque j'entrai, le chat se leva en faisant le gros dos. Son maître ne bougea pas. Il resta immobile, les yeux toujours fixés au plafond, ses mains blanches et effilées posées sur les bras du fauteuil. Je fus surpris de cet accueil. J'hésitai un instant, puis enfin je m'approchai de ce singulier personnage et lui dit l'objet de ma visite. « Ah, c'est vous, docteur » fit-il en tournant légèrement la tête de mon côté. « On m'a en effet parlé de vous. Prenez donc la peine de vous asseoir. Au fait, ai-je une chaise à vous offrir ? Ah oui, tenez. Je crois qu'il m'en reste encore une dans ce coin-ci. » Je pris la chaise qu'il m'indiquait du doigt et vins m'asseoir à côté de lui. « Ce brave Jules !» continua-t-il. Il m'a trouvé bien malade la dernière fois qu'il est venu me voir et m'a promis de m'envoyer la faculté. C'est vous la faculté ? Je m'inclinai en souriant. Oui, je souffre beaucoup. J'ai depuis quelque temps des éblouissements et ne puis soutenir l'éclat de la lumière. J'ai toujours froid. Il pencha son long corps vers la cheminée et attisa le feu avec les pincettes. La flamme qui jaillit éclaira d'une lueur rouge la figure de cet homme étrange. Il paraissait avoir 30 ans au plus, mais ses yeux entourés d'un cercle noir, ses lèvres pâles, ses cheveux grisonnants, le tremblement de ses membres en faisaient presque un vieillard. Il se rejeta lourdement dans son fauteuil et me tendit la main. « J'ai la fièvre, n'est-ce pas ? » dit-il. Sa main était brûlante, son pouls rapide et saccadé. Je lui fis toutes les questions d'usage. Il me répondait d'une voix faible et sans tourner la tête. Lorsque j'eus fini mon examen, « Voilà un homme perdu, pensai-je. Je suis bien malade, n'est-ce pas ? Combien croyez-vous qu'il me reste encore à vivre ? » dit-il en me regardant fixement. Je ne répondis pas à cette question singulière. « Souffrez-vous depuis longtemps ? » demandai-je. « Oh oui, » fit-il avec un accent qui me glaça. « Oh oui, c'est là, » ajouta-t-il en touchant son front. « Voulez-vous que je vous fasse une ordonnance ?»« Volontiers, » répondit-il d'un air distrait. Je m'approchai de la table, qui était, comme je l'ai dit, surchargé de livres et de manuscrits, et à la lueur vacillante d'une bougie, j'écrivis rapidement l'ordonnance. Quelle ne fut pas ma surprise, quand j'eus fini, de voir debout, à côté de moi, mon malade qui regardait avec son sourire étrange les quelques lignes que j'avais tracées. Il prit le papier, le considéra quelque temps, et, haussant les épaules, « Des remèdes, » fit-il, « toujours des remèdes. Croyez-vous réellement, monsieur, que cela puisse me guérir ?» Il fixa sur moi, en disant ces paroles, son grand œil mélancolique, et, froissant le papier entre ses doigts, il le jeta dans les flammes. Puis il s'appuya contre la cheminée, et, me prenant la main, « Pardonnez-moi, » me dit-il d'une voix qui devint douce tout à coup, « pardonnez-moi ce mouvement de vivacité. Mais, bon Dieu, vous avez eu là une singulière idée. Vous êtes jeune, » continua-t-il avec son éternel sourire, « et vous croyez votre médecine toute puissante. » « Ma foi, monsieur, » répliquai-je d'un ton un peu sec, « je crois que le mieux serait de vous soumettre à un traitement et à un régime en rapport avec votre état. » « Mon état mental, vous voulez dire. Vous me croyez fou, n'est-ce pas ? Eh bien, vous avez raison. Chez moi, le cerveau domine tout et prend toute la place. C'est une ébullition perpétuelle. Ce feu qui me dévore ne me laisse pas un instant de repos. La pensée. Ah, monsieur, c'est un vautour qui me ronge sans cesse. Pourquoi ne cherchez-vous pas à vous affranchir de ce joug cruel ? Pourquoi ne donnez-vous pas quelque repos et quelque distraction à votre esprit ? Des remèdes, des distractions, interrompit-il avec vivacité. Vous êtes tous les mêmes. On achète les uns chez les pharmaciens, les autres à la porte des théâtres, n'est-ce pas ? Et on doit être guéri. Si on n'est pas guéri, on doit mourir. Et la faculté n'a rien à se reprocher. Vous n'avez donc ni parents ni amis ? Il m'interrompit encore. Des parents ? Non. Mon père est mort fort jeune, peu de temps après ma naissance. Ma pauvre mère... Il me sembla que sa voix s'altérait au moment où il prononçait ce mot. Ma pauvre mère, pendant 20 ans de sa vie, travailla pour m'élever, pour me donner une instruction brillante, libérale. Elle mourut à la peine. Voyez l'ironie du sort. 8 jours après sa mort, j'héritais d'un vieil oncle dont on soupçonnait à peine l'existence et qui me laissait une petite fortune. Des amis ? Oui, j'en ai quelques-uns. Jules d'abord, un bon garçon, mais il rit trop, et son rire me rend malade. Puis tous ceux que vous connaissez et qui ont eu la charité de me recommander à vos bons soins. Ils me croient fou, eux aussi, et quand je suis au milieu d'eux, ils me prennent pour le plastron de leur plaisanterie. Je suis leur amusement, leur bouffon, avec mes grands yeux, mes longs cheveux, mon grand nez et mes airs mélancoliques. Voilà, mes amis. Vous voyez ces livres qui sont là, sur ma table, ces liasses de manuscrits. Ils vous indiquent que j'ai cherché dans le travail l'oubli de moi-même. J'ai été reçu avocat. J'ai même plaidé. Mais je me suis bientôt aperçu que tous mes efforts et tout mon travail avaient pour résultat d'enrichir quelques gredins et d'en arracher d'autres à l'échafaud qu'ils méritaient. J'ai eu honte de ce métier. J'ai écrit. J'ai beaucoup écrit, afin de soulager ma pauvre tête et d'éteindre ce feu qui me brûle. Le remède n'a pas été efficace. Que voulez-vous ? Je suis philosophe et je dois mourir philosophe. Il fit une longue pause. « Ne croyez pas cependant, » reprit-il enfin, « que j'ai de la haine pour l'humanité. Mon Dieu, non. Mais je trouve les hommes inutiles. Je me passe de leur esprit, de leurs travaux, de leur génie. Oui, c'est quelques tisons que vous voyez là, dans l'âtre. Le murmure de ma bouillotte et le ronron de mon chat m'ont inspiré des vers 1000 fois plus beaux que ceux de vos grands poètes, des pensées 1000 fois plus ingénieuses que celles de vos moralistes, des réflexions plus profondes et plus élevées à la fois que celles des plus illustres prédicateurs. Pourquoi donc alors lirais-je les œuvres des hommes ? Pourquoi écouterais-je leurs discours ? qui ne vaudront jamais ceux que j'entends en moi. Aussi, depuis longtemps, toute ma vie se passe dans cette chambre, dans ce fauteuil. Et je pense toujours. C'est un travail incessant. J'ai là, continua-t-il en posant un doigt sur son front, j'ai là des traités d'économie politique qui pourraient régénérer votre société ruinée et abâtardie. J'ai des systèmes de philosophie qui réunissent en un seul tableau toutes les connaissances humaines et les étendent en les affranchissant des entraves où les retient la routine de vos professeurs. J'ai des plans de maisons plus confortables que celles que vous habitez, des projets d'agriculture qui pourraient transformer la France en un immense jardin dont chaque habitant aurait sa part productive. J'ai des codes où l'équité et le bon droit ont toute la place qui leur manque dans les vôtres. Mais à quoi bon livrer tout cela au grand jour? Les hommes en deviendront-ils meilleurs? Que m'importe? Et serais-je soulagé? Non. Voyez ces 1000 manuscrits qui remplissent ma mansarde. Ils sont sortis de là et je souffre toujours autant. Il se rejeta dans son fauteuil et continua avec feu. Voulez-vous savoir encore pourquoi cette flamme intérieure est si ardente, si dévorante? C'est que je n'ai jamais pleuré. Non, jamais. Jamais une larme n'est venue mouiller ma paupière. Voyez comme le tour de mes yeux est noir. Cela vient de là, j'en suis sûr. Voyez-vous ces rides de mon front? Cette pâleur de mes lèvres, c'est que jamais cette rosée bienfaisante des larmes n'a baigné ma douleur et rafraîchi ma souffrance. Tout se passe en moi, rien ne sort de moi. Ici, sa voix s'altéra. Les autres hommes, lorsqu'ils souffrent, vont se jeter sur le sein d'un ami et s'en reviennent consolés. Moi, je ne le puis. Je suis, comme je vous le disais tout à l'heure, le Prométhée de ce vautour infernal. La pensée, incessante, dominatrice et cruelle. Ma douleur est comme un fer aigu, qui, lorsque j'essaie de le lancer loin de moi, revient contre ma poitrine avec plus de violence et me mord au cœur. Tenez, je ne sais pourquoi vous m'inspirez confiance, et je vais tout vous dire. Aussi bien, je n'ai peut-être pas longtemps à vivre, et je ne veux pas que mes secrets meurent avec moi. Tout ce que je vais vous conter est contenu là. » Il me désigna une liasse de papier poudreux jetée dans un coin de la chambre. « Mais qu'est-ce que cela vous fait, après tout ?»« Non, non, continuez, » dis-je vivement. « Si vous saviez combien vous m'intéressez, j'étais en réalité très ému. Où en étais-je donc? Mon Dieu, qu'il fait chaud ici. Ma tête est comme serrée dans un étau. Je crois vraiment que de la glace me ferait du bien. Veuillez m'entrouvrir un peu cette fenêtre. » Je me levai pour satisfaire son désir. Lorsque je revins près de lui, ses yeux étaient fermés. Sa respiration sifflante, une légère sueur perlait sur ses tempes. Il s'était endormi. Je considérai longtemps le pauvre dormeur dont ce violent effort avait brisé les forces et qui restait devant moi, pâle, immobile, inanimé. Le feu jetait ses dernières lueurs et éclairait le visage de Maximilien Heller, qui était d'une beauté singulière, presque fantastique. C'était un étrange et triste spectacle que celui de ce philosophe, qui, avant 30 ans, s'était retiré des hommes, parce qu'il trouvait les hommes inutiles, de ce rêveur que le rêve avait tué, de ce penseur que l'excès de la pensée faisait mourir de lassitude. Les quelques paroles que je venais d'échanger avec Maximilien Heller m'avaient inspiré je ne sais quelle mystérieuse sympathie pour ce malheureux jeune homme. Tout en le contemplant avec attention, Je me demandais si véritablement ces cordes invisibles qui rattachent l'homme à son semblable étaient à jamais brisées en lui. Et je cherchais, pensif, par quels moyens je pourrais arriver à guérir cette douloureuse maladie morale qui consumait son âme et son corps.